J'ai toujours su que je n'étais pas fait pour aimer, me courber, espérer, m'écraser, accepter ce qui me fait gerber. Tout ça pourquoi? Rire forcé, c'est la pire des figures imposées.